Voilà quoi. Viens, quoi. On aime bien ce que tu fais. Hein. Merci, mon frère. Oh, tu nous fais un freestyle, s'il te plaît. Non, vas-y, fais le freestyle. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de freestyle, frère. Vas-y, fais le freestyle. Viens, frère, regarde freestyle, comment il parle. Fais le freestyle. C'est vrai. Tu me suis pas, tu parles de moi. Ah, tu parles de moi, quoi. Parce qu'on va te faire. Vas-y, c'est bon, laisse tomber. Il n'y a pas de question, merci. Attends, une minute. Bah les couilles du game, je traîne à part. Y'a quelques centaines de kills bloqués dans un appart. Staline, tu veux ma part? Où je suis tranquille, mais tu peux dormir quelques nuits dans le coffre de la barre. Crochet du gauche, tabac, des raris. On a vu un tas d'oseilles, un tas de Ferrari. Tu n'es qu'un menteur, je te vis sur le terrain. Surface, simulation, sifflet, penalty, mitraillette, scorpion. 357, crème de l'œil, y'a des couilles, pas besoin de 55. On aime le trafic, on le nie pas. Un ballot de 30, pas les de 10 balles. Et puis y'a la mondaine qui traîne au cristal. Doda de faire la guerre, tu me parles de freestyle. J'aurais 15 piges avec un ténor. On va ta rafale ou nique tes morts. On vit les chicots cassés, le regard froid. Tel prochain mort, ce mal était devenu ma proie. Va te faire enculer, bien profond mec. La femme devant la porte, devant la fenêtre. Sors, je suis défoncé, je vais boire du bonbon. Salam à mes grossistes, t'es ta peur de fourgon. La mort est belle, ainsi faite. La rue qui t'a baisé, pas ton océan qui m'a fait. Oh, je suis pas une pute, je vais te faire du mal. Oui, d'où je viens, tu connais. Le putain de rafale dans ton cul. À 6h du matin, le son des gros bonnets. Tes robes te veulent du mal. T'as lâché de l'enfant, ça va faire mal. Audemars, Mercoli, trompe par balle. Sorti d'autoroute, on lève ta bécane. Mon gros, si t'as des armes, on a les mêmes au mieux. J'fais pas partie des grosses pédales, des braqueurs de ma banlieue. Ou alors que tous les verres on passe tous les étés dans une ville, en vue la vie qu'on veut. Pour ça on charbonne, on fait des longues peines. Qu'est-ce qu'on en ramasse, mais qu'est-ce que l'on paye? Des fois le prix d'une vie fait le faux qu'on baisse. Oh, ils sont pas prêts, je me rapproche comme un loup dans les bas prêts. Ouais mon gros t'as beau faire 3 mètres sur la mec avec la crosse de mon œuf, je t'éclaterai, plâtrerai. Je suis un homme à l'enfant c'est perdure. Je te laisserai pas me baisser la gueule. Ça fait la tomber la vie, c'est pas ça qui perdure. Ben un jour il faudra prouver, rouffer. Tes max sont les tenaces. On va te trouver, te trouer. Je te passerai l'envie de faire des menaces. Je vois ta cervelle au sol, c'est dégueulasse. Ouais gros, meilleur épice en rancune. Je n'y crée pas ma dignité, mon ami j'en ai plus. Je pas une pute, je vais te faire du mal. Oui d'où je viens tu connais. Le putain de rafale dans ton cul. Du matin, le son des gros bonnets. Tes robes te veulent du mal. Kalash, Glock, oui, ça va faire mal. Audemars, Mercoli, trompe par balle. Sorti d'autoroute, on lève ta bécane. Ce soir, j'ai rien à prouver. Je laisse parler les balles. Oh. Soir, j'ai rien à prouver, je laisse parler les balles. Oh. Soir, j'ai rien à prouver, je laisse parler les balles. Oh. Soir, j'ai rien à prouver, je laisse parler les balles.